Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'80s le podcast. Alors pour ce cadeau bonus, je reçois Imraj et Nico. Est-ce que ça va messieurs? Bili bili bili, connexion en cours. Ça va, oui ça va très bien. Exterminate. Waouh. Bon, va bien. Bon c'est cool. Bah moi j'ai pas parlé comme un robot. Ça va très bien. Donc, comme nos deux acolytes ont pu vous le laisser entendre, nous allons traiter du futur. Alors, le futur vu à travers le spectre des années 80. Donc, ce futur rarement positif, il faut bien le dire. Nous avons décidé de l'aborder selon trois styles de futur, à savoir le post-apocalyptique, le space opéra et le cyberpunk. Voilà. Donc, parmi ces trois styles, nous allons aborder quatre thèmes et on va commencer par les véhicules du futur vu des années 80. Alors pour ce premier thème, on va déjà s'écouter un petit extrait sonore qui pourra nous mettre sur la piste et dans l'ambiance. Double rotor céramique, deux roues motrices. Putain, cet engin a même l'ABS et un système électronique. 12 000 RPM. Envie de la conduire, Tetsuo? Bon, allons-y. Cette moto a été conçue pour moi. C'est trop pour un morveux comme toi. Cette moto te concasserait comme une vulgaire olive, mon vieux. Je pourrais la conduire. Ne me fais pas rire. Va d'abord apprendre sur un tricycle. Donc cet extrait sonore pour vous parler du premier véhicule du futur au sein d'un animé très célèbre des années 80, à savoir Akira. Alors Nico, je te sens prêt à nous évoquer ce véhicule. Donc le véhicule dont moi je vais parler, ça va être le fantasme absolu de n'importe quel jeune ado et motard. C'est donc la moto de Kaneda. Donc Kaneda, c'est le héros du film. C'est un jeune loubard qui est le chef en fait d'un gang de motards. Et lui, forcément, il a la moto ultime parce qu'il c'est le chef. Donc il a une moto complètement futuriste vu des années 80, on va dire. Comment la décrire? C'est la moto ultime japonaise. Elle est bourrée d'électronique, donc il y a un ordinateur de bord, il y a un ABS, elle est rouge, mais rouge Ferrari, ce qui était très très très à la mode dans les années 80, le rouge Ferrari. Il y a des autocollants de marque futuriste entre guillemets, donc des marques dont les trois quarts ont disparu depuis. Ah, il y a Canon, il y a Shoei qui est un truc de pneu. C'est assez marrant de voir ce que s'imaginaient les Japonais être le top. En fait, c'était le top de la technologie de l'époque. Et bon, bah maintenant, il y a des marques qui ont disparu, quoi. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que dans ce film, c'est que les autres motos. En fait, c'est des motos classiques, plus ou moins. Il y a quelques motos avec une espèce de châssis, en fait, central. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais au lieu d'avoir une fourche qui passe des deux côtés de la moto, en fait, c'est une fourche qui fait un espèce de, qui prend la roue sur le côté. Mmh. Alors, techniquement, je suis pas motard, donc je sais pas pourquoi les motos ont des fourches avec des deux côtés et pas sur le que d'un seul, mais en gros c'est la seule différence qu'il y a entre les motos bah, d'époque et les motos du futur d'Akira. Sinon, bah, y a même le grand méchant, une espèce de grosse Harley. Mais par contre, la moto de Canada, c'est quand même... ce qui est marrant, c'est que c'est une sportive, mais c'est aussi un chopper. C'est-à-dire qu'il est assis... assis comme sur une chaise, pas comme sur une moto sportive japonaise. Et j'imagine que c'est un peu aussi pour dire c'est la moto du chef, quoi. Je suis assis en arrière, je suis plus sûr de moi, on va dire, que les autres. C'est une moto sur laquelle on peut installer des trucs de combat. À la fin du film, il récupère un espèce de laser et du coup, elle s'installe très simplement sur la moto, quoi. Il est bien à l'aise pour la conduire. Et c'est aussi une moto qui fait des éclairs. Ça, c'est assez fantastique. C'est-à-dire que quand il met les gaz à fond, il y a des petits éclairs qui s'échappent de la roue avant. Enfin, voilà quoi. Ouais. Je sais pas. Enfin, moi, en plus, c'est vraiment la scène qui introduit le dessin animé. Et cette scène est juste magnifique avec la ville des néons, une espèce de rémanence lumineuse. C'est la scène où il fait un dérapage sur la moto. Ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, on voit la trace des motos dans les rues. Qui laisse une petite trace lumineuse derrière eux. Enfin, moi j'ai trouvé. Comme les photos de pose longue en ville où effectivement on voit les traînées lumineuses. Ouais, exactement. Et moi, c'est vrai que c'est le premier animé, comme beaucoup de gens, que j'ai vu au cinéma. Et c'est vrai que la claque, pour moi, pour un animé, j'ai jamais vu un truc aussi extraordinaire. Et le truc central de cet animé, et qui était sur beaucoup d'affiches de l'époque, c'est cette moto rouge juste magnifique, quoi. Moi, à titre personnel, à l'époque, c'était plus les BD façon Joe Barty, mais autre truc bizarre. Mais non, pas vraiment. Pas vraiment. Enfin, pas pour Ave. Avec la fumée noire et tout. Le scooter de Gaston Lagaffe. Enfin, ouais. Bon, donc on vous encourage à revoir Akira dès que possible, puisque pour mieux se rendre compte à quel point cette moto était révolutionnaire et d'anticipation. Jamais égalée. Non. Ok, bon, écoute, merci Nico de nous avoir parlé de cette moto. On va basculer sur le vaisseau, mais un des vaisseaux du film préféré d'Imraj. Le plus rapide de la galaxie. Je veux bien sûr parler du vélo Didi. Non, voilà. Oui, on a décidé qu'on allait zapper Star Wars. Ouais, voilà, on va prendre. Et pourquoi ça tombe toujours sur moi, les mauvaises blagues? C'est vrai, ça t'a peut-être une tête à ce qu'on fasse des blagues sur toi, c'est vrai. Tête à blague. Ouais, tête à blague. Bon, en fait, donc, tu vas forcément nous parler de Star Wars. Alors, je ne dévoile pas ton choix de vaisseau, je te laisse nous en parler. Eh ben, donc, du coup, on en a parlé un petit peu avant l'émission, donc du coup, je vais changer mes plans, je vais parler du Delta Plan des Ewoks. Ah non, mais je suis d'accord. On voit pas les fils, c'est nickel. Trois bouts de bois, un petit peu de toile en pot et paf, un vaisseau spatial. Pour info, ça du coup ça existe, je pense à mon avis. Ça existe. Ouais, non, mais c'est pas de l'anticipation. Tu mets un ours dessus, c'est nickel. Pour revenir un petit peu sur le sujet, on va quand même aborder le Faucon Millennium ou le Millennium Falcon ou le Faucon Millénaire, blagonnette des traducteurs. Donc le Faucon Millennium, c'est quoi? C'est le vaisseau piloté par Han Solo et Chewbacca. Donc dans l'univers de Star Wars, il faut savoir que c'est pas un vaisseau qui est unique. Enfin, il est unique dans ses modifications, mais c'est quand même un vaisseau à la base de type YT-1300. c'est un vaisseau de transport de type cargo, donc lui il est spécialisé dans le transport de VIP, on va dire. Et donc le vaisseau en fait a échangé beaucoup, il a été récupéré customisé. Par beaucoup de personnes et customisé tout au long de sa vie. Et il est arrivé dans les mains de Han Solo par il l'a gagné au jeu tout simplement, et il l'a gagné au jeu. Versus Lando, quoi. Donc, tout simplement, c'est Lando qui lui a filé le faucon. D'accord. Donc voilà, c'est quand même un vaisseau qui a été beaucoup modifié, comme on l'a dit. Tout ça pour encourager les actions illégales des propriétaires. Comparativement au modèle de base, il a des boucliers un petit peu plus puissants, même beaucoup plus puissants. C'est le vaisseau le plus rapide de la galaxie. Alors, on va titiller là-dessus. C'est le vaisseau le plus rapide de cette catégorie-là de vaisseaux. Et il a un armement militaire qui est assez important. Et puis, il a surtout l'hyperdrive qui lui permet d'atteindre des vitesses astronomiques. Mais astronomiques pour l'époque. Alors, c'est vrai que je ne suis pas non plus une encyclopédie, donc forcément, je me suis un petit peu renseigné. Mais la vitesse en hyperdrive, c'est 1200 km/h. Donc vous voyez, c'est pas si important que ça. Ah ouais. Ouais, en fait, genre, GTA, ça n'a pas été si visionnaire que ça. Ouais, donc effectivement, quand il fait des sauts, j'imagine qu'il courbe l'espace-temps, etc. Machin. Mais c'est 1200 km/h, ce qui n'est pas si important que ça. Quoi. Ah ouais, en effet, ouais. Et le côté bricolé, tu sais, si le XT-1300 de base, il a l'air aussi... Parce que c'est vrai que c'est un vaisseau qui est assez intéressant dans l'univers de Star Wars, c'est qu'il est tout de suite reconnaissable, parce qu'il y a plein de bouts qui dépassent, des trucs et des machins, alors que les autres sont beaucoup plus profilés, ont beaucoup moins de personnalité, on va dire, que les autres. Disons que celui-là... Celui-là, ouais. En fait, il a surtout donc la base du vaisseau qui est une espèce de soucoupe avec deux protubérances à l'avant. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça. Oui. Ce qui a été rajouté a priori, c'est le poste de combat sur le côté. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc, enfin voilà, surtout au niveau de l'armement. Après l'aspect extérieur, je suis pas un professionnel non plus, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Mais le poste de combat, s'il n'était pas existant, il a été sûrement agrandi. Voilà, mais surtout des modifications pratiques pour que le vaisseau puisse se défendre et, en termes d'attaque et de défense, quoi. Et de vitesse. Surtout la vitesse. Mmh. Et surtout, il y a un jeu à l'intérieur, une sorte d'échec et tout. Et c'est ça, moi, j'adorais dans le Faucon millénaire. C'est ce fameux jeu, voilà, c'est une sorte, oui, c'est ça, c'est une sorte de jeu d'échecs, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Avec des hologrammes. Faut distraire les VIP qui voyagent, quoi. Voilà. Du coup, ça j'avais adoré. Et c'est aussi un vaisseau qui marche à coup de clé à molette dans la tronche, hein. Faut voir que c'est, enfin, il est fait, il est rebricolé et tout, et il y a des étincelles qui sortent de partout. Enfin, faut toujours que Chewbacca il le réparait. C'est un vaisseau qui est très vieux, et effectivement, de par ses modifications, souvent, enfin voilà, ils veulent lancer l'hyperdrive, ça marche pas, il faut que Chewbacca et Han Solo sortent la clé à molette, effectivement, et y bricoler pour pouvoir partir toujours in extremis, quoi. Ouais, et le vaisseau n'est jamais détruit dans l'univers étendu, même un petit peu plus loin que les années 80, le vaisseau n'est jamais détruit, quoi. Ça sent la panne d'embrayage, tout ça, mais bon. Oui, c'est ça, ce qui est marrant, c'est que c'est un vaisseau ultra futuriste, mais quelque part... Quel enfoiré. Faut savoir qu'Imra a des petits problèmes de voiture récemment. Mais pour en revenir au Faucon Millennium, oui, c'est vrai que c'est un vaisseau extrêmement futuriste, quoi. Il va à la vitesse de la lumière ou un peu moins et tout. Mais c'est vraiment, il y a un système électronique, un ordinateur de bord, j'imagine. Mais il est pas mis en avant. Il est mis en avant comme un truc sur lequel hop, on va changer des pièces et tout. Il est très mécanique, ouais. Il est très à l'ancienne, entre guillemets, pour un truc extrêmement futuriste au final, quoi. Ah bah écoute, merci Imraj pour ce Millennium Falcon, autrement appelé Faucon Millénaire. Enfin bon, on l'appelle comme on veut. Et il est très beau en Lego, cela dit. Oui, ce sera le prochain cadeau de Noël de mon fils, je pense. Ah ouais, ton fils, ouais. Ouais. Quelle chance il a. Ton fils. Oh là là, ouais, qu'est-ce qu'il est, c'est formidable. Ok, bon, on va basculer sur le dernier véhicule, à savoir l'Interceptor de Mad Max. Alors, l'Interceptor de Mad Max. Donc, Mad Max, pour situer le contexte, c'est un film où les nations se battent pour l'essence, en fait, le pétrole. Et donc Mad Max, enfin on va dire Mad Max, mais c'est pas son nom, c'est Max Max Rokatansky. En fait, il est flic. Il a donc cette fameuse Interceptor qui n'est ni plus ni moins qu'une Ford Falcon avec un moteur quand même de 5 litres 8. Et c'est lui qui est chargé de faire régner l'ordre. Ils sont en manque d'essence et ils prennent un moteur. Ah, voilà, c'est assez paradoxal, je te l'accorde. Ouais, enfin, une hybride pour Mad Max, si tu veux, solaire. Ça aurait fait bizarre. Hein. Qui se recharge avec le freinage, enfin bon bref, parce qu'il freine plus quand même dans Mad Max. Enfin, il freine pas beaucoup, non. Voilà, donc du coup, il est chargé de, en gros, de faire Carmageddon avec les bandes de pirates de la route. Ce film-là, c'est quand même un film assez léger du point de vue scénaristique, hein, on va pas se mentir, mais qui a quand même marqué justement sur le côté face-à-face routier qui ont lieu tout au long du film. Et qui sont très violents et très rapides aussi. Enfin, c'est un truc il y a pas de volonté de faire une chorégraphie et tout. Enfin, la voiture, non, ça dure pas longtemps. L'autre et boum. Voilà. C'est ça. Enfin, quoique, ça a un peu évolué dans le Mad Max 2 pour le coup. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Mais dans le 1, effectivement, et puis j'ai l'impression, pour avoir vu quelques bandes annonces du futur Mad Max qui va arriver là dans pas très longtemps, il y a l'air d'y avoir plus de chorégraphie et de, dans les cascades, et voilà, parce que ça, on s'est adapté à, entre guillemets, notre époque cinématographique. Bah, surtout que c'était un western, donc. Enfin, c'est la trame du western, donc quand il faut tuer un ennemi, il tue tout de suite. Ce qui est assez marrant, moi, je trouve, sur la Ford Falcon, en fait, c'est que c'est une vieille voiture. Même dans les années 80, en fait, c'est une voiture un peu rétro. Alors, je lis peut-être un peu trop sur le truc, quoi, mais qui veut dire, en gros, dans les années 80, on fait des super voitures, mais qui vont pas tenir à l'apocalypse, quoi. Vaut mieux. Considérer la Ford Falcon pour survivre, parce que ça c'était une bonne bagnole, ça tombait pas en panne, et puis quand tu rentres dans un autre mec, c'est lui qui vole, quoi. C'est ça qui est assez marrant. Ah, déjà, c'est une voiture américaine, quoi. Y a que ça ouais, c'est pas une saloperie de japonaise. Et voilà, je veux dire, bon, c'est la base. C'est la base. Ouais, c'est la muscle car dans sa gloire machiste. Ah. Moi, je sais que quand justement le jeu vidéo Carmageddon est sorti, ça m'a de suite fait penser à Mad Max. Ah oui. De même pour le livre dont vous êtes le héros, Combattant de l'autoroute, que j'adore, c'est pareil, c'est tout à fait Mad Max. C'est quelque chose, ce livre, ouais. Voilà, il est. Enfin, moi, c'est mon préféré. C'est un défi fantastique en plus, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, c'est, ça pêche un peu avec le reste de l'univers, quoi, sinon. Voilà, et c'est vrai que bah, même voilà, des jeux vidéo comme Rage ou autre, c'est pareil, ça fait référence systématiquement. À Mad Max, donc c'est vrai que ça a influencé énormément de choses, et cette espèce d'anticipation de conflit pour de l'essence, les problèmes de pénurie d'essence et autres, c'est des choses qu'on nous évoque selon les périodes, mais on sait très bien que les énergies fossiles, il n'y en aura pas pour ad vitam aeternam, et donc du coup cette anticipation d'avoir vu un combat entre les différentes nations, est-ce forcément déconnant? Je suis pas sûr. Voilà, moi j'adorais ce véhicule, et puis justement, comme je vous disais, pour toutes les influences qu'il a pu avoir sur d'autres univers, et je tenais à l'évoquer. Moi, ce qui me fascinait sur ce véhicule, surtout le bout de moteur qui sort du capot, quoi. Oui. C'est pas très pratique pour voir, mais c'est vrai que ça donne encore plus un côté, parce que la voiture, macho. C'est cette partie du moteur. Muscle car. Ouais, mais là c'est énorme, tu vois, c'est vraiment le bolide ultra puissant par définition. Bon, bah écoutez, on a forcément oublié les véhicules, mais c'était nos trois choix de véhicules du futur vus par les années 80. En deuxième thème, on a retenu les ordinateurs. Alors évidemment, ça porte à sourire, surtout pour les gens qui, comme nous, sont un peu geeks et qui aiment bien les ordinateurs. C'est vrai que ça prête toujours à sourire quand on revoit des films des années 80, et notamment comment était soit présenté, soit évoqué le côté informatique de la chose. Alors, on peut commencer tout d'abord par justement le film Tron. Alors, Nico, je te laisse nous évoquer ce film. Ouais, ce que tu disais sur les ordinateurs, la vision un peu vieillotte et tout. Justement, dans Tron, je trouve que c'est juste peut-être une vision qui s'est pas réalisée, mais qui est une des plus visionnaire, enfin pas visionnaire mais futuriste, en fait. C'est un truc que peut-être on va voir dans les années à venir. C'est la création de ce qu'on appelle un cyberspace, c'est-à-dire un système informatique qui ressemble à une réalité alternative, que dans le cyberpunk on appelle une matrice, en fait, qui a été repris dans le film Matrix. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système comme on a maintenant, par exemple Internet, c'est des fenêtres, des pages, des trucs comme ça, là en fait tout est matérialisé comme une réalité alternative, c'est-à-dire que les programmes sont matérialisés comme des gens, les bâtiments sont comme ce qu'on pourrait appeler un site internet, là c'est carrément un bâtiment, en fait. Et c'est ce qui est assez intéressant dans Tron, c'est donc, pour résumer le film, c'est un être humain qui est emporté dans cette réalité alternative, contre son gré, et qui doit y survivre, en fait. On a donc ce principe aussi de l'humain qui a sa conscience téléchargée dans la machine, qui se retrouve... Alors là, carrément, son corps est détruit, mais pourra être matérialisé. Alors, me demandez pas comment c'est possible, mais... tu nous expliques. Il y a un rayon laser magique qui fait qu'il est zappé de la réalité. Et je vais pas vous spoiler la fin, parce que c'est un film que je trouve qui est toujours regardable, mais... Difficile quand même. Ah, t'as pas aimé Le Revoir? Ah, moi, je trouve que c'est un peu naïf sur certains points. Ah, mais c'est un petit peu difficile, moi, personnellement. Mais ouais, je sais pas. Moi, je préfère quand même la nouvelle version. Ah, non, la nouvelle version. J'ai bien aimé la nouvelle version, au final. Mais c'est à cause de la musique. Hein. La musique est géniale. Mais la mise en visuel du premier Tron a été en partie bien sûr, faite par Moebius. Et du coup, c'est un des premiers films où on a eu un décor complètement fait en images de synthèse, en sachant que ça a plutôt pas trop mal vieilli. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient à l'époque. Hein. C'est pas du délire visuel, c'est très simple, hein, c'est du vectoriel néon. Mais je trouve que la direction artistique reste vraiment sympa. Et le dernier point qui est assez intéressant dans la vision de l'informatique de Tron, c'est que en fait on a aussi en face de nous des intelligences artificielles qui sont conscientes d'elles-mêmes en fait, qui sont quasiment des formes de vie dans cet univers virtuel. Et du coup, ils ont. Alors il y a une religion qui se crée, il y a une espèce de métaphysique qui se crée aussi. La plupart des personnages que le héros va rencontrer, qui lui est un humain, qui est un programmeur, donc qui est considéré comme un dieu, va rencontrer en fait des programmes, mais il va se lier d'amitié avec eux et ils vont avoir leur propre personnalité. Ce qui est quand même, ce qui est toujours de l'ordre du fantasme pour l'informatique en 2014 au moment où on enregistre cette émission, mais l'idée qu'une, ce qu'ils appellent une singularité, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui naîtrait des systèmes informatiques connectés, c'est un truc qu'on n'a pas encore vu en tout cas. Donc pour le côté obsolète, je suis pas forcément d'accord. Mais voilà. Non, pour le côté visuellement obsolète, oui peut-être. Voilà. Bon. Et toi, est-ce que tu as un ordinateur du futur trop Non, moi je me souviens effectivement du poste de commande de Star Trek. Ah ça. Donc c'est pas des alors après Star Trek, c'est ça dure encore d'ailleurs, oui. On peut le dire. Mais la représentation donc du poste de commande de l'Enterprise reste quelque chose qui faisait rêver. Moi, je sais que quand j'étais gosse, le côté la personne qui se mettait dans cette espèce de plateforme aussi, on disait téléportation et autres. Ouais. Et puis après tous les boutons de partout, il y avait les assistants du capitaine Kirk qui étaient là pour justement faire marcher tous ces ordinateurs dans cette salle avec des boutons qui clignotent de partout. C'était quelque chose qui, moi, avec mon Amstrad CPC à l'époque, me paraissait, comme qui dirait, un peu révolutionnaire. Et surtout, je comprenais pas bien comment un jour on pourrait avoir des vaisseaux qui contiendraient tant de boutons dans une même pièce et puis qui permettent de téléporter des gens du vaisseau sur une planète. Voilà. Donc, c'est vrai que ce poste de commande, enfin, je sais pas si vous avez suivi Star Trek, mais. Pas du tout, je suis pas un Trekkie, mais je vois à peu près, hein, c'est des gros boutons mécaniques. Ouais, c'est des gros boutons lumineux. C'est ça qui est assez marrant. C'est ça qui me fait beaucoup triper, on va dire, sur ce genre d'ustensile-là, c'est que, effectivement, on est capable d'imaginer de la téléportation, de la matérialisation de nourriture, des technologies qui existent aujourd'hui. Je sais que Star Trek, c'est plus ou moins eux qui ont inventé la tablette. Il y a des tablettes dans Star Trek. Et du coup, d'en rester quand même avec une vision très 80s où les boutons, les différents boutons sont des boutons mécaniques, les écrans sont des écrans cathodiques, souvent monochromes. Ouais, et quand t'as de la chance, hein. T'as du vecteur, enfin de l'écran d'oscilloscope aussi. Non, mais c'est quand même assez hallucinant d'avoir cette espèce de contraste entre vraiment une vision limite rétrograde. Complètement rétrograde et en même temps assez visionnaire, quoi. C'est rigolo. Et moi, ce qui m'a toujours halluciné, et c'est ça qui était assez amusant dans Star Trek, c'était que en gros les opérateurs avaient un espèce de clavier qui était pas du tout différencié en fait. Il y avait des boutons de couleur, on ne savait pas trop. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que les gens dans le futur de Star Trek, étaient capables de voir cet écran et d'y comprendre quelque chose. Alors que nous, en le regardant, on ne comprend rien. Et c'est ça que je trouve ça a vieilli. Je crois que les acteurs appuyaient au hasard. Ouais, ils appuyaient au hasard, ils faisaient ça. Mais j'imagine que... dans mon imagination, je trouvais ça assez génial parce que justement, les gens étaient tellement... à l'aise avec ces appareils électroniques, ils avaient plus besoin d'avoir les lettres, par exemple, du clavier. C'est-à-dire ouais, que pour eux, ça fait sens, quoi. Et le gars, bah voilà, il arrive, lui, moi j'y arrive pas, je comprends pas, mais ça te met dans un truc futuriste. Fasciné. Où t'es complètement paumé dans comment fonctionne cette technologie, donc bon, bah voilà, je suis paumé parce que c'est une technologie du futur beaucoup trop avancée pour mon cerveau de spectateur des années 80, quoi. Mm. Eh ben, on va faire notre dernier choix de représentation de l'ordinateur. Il s'agit de Skynet et donc de Terminator. Donc, évidemment. Imraj, si tu veux bien nous parler de tout cela. Alors, Skynet, en fait, c'est un petit peu le mari de Cherka qui a mal tourné, quoi. Oula, il y va fort. Non, mais... Donc Skynet, c'est à la base, c'est surtout un super ordinateur, ou plus précisément une intelligence artificielle qui a été créée par l'armée américaine pour les opérations de défense. Et comme souvent dans les œuvres de ce genre-là, il y a toujours le moment de la prise de conscience et l'envie irrépressible d'éliminer la race humaine, quoi. Mmh. Voilà. Et il donc, me semble que c'est quelques secondes, il l'allume, et quelques secondes après, c'est la fin, quoi. Je suis pas tout à fait parce sûr. Que, parce il que... me semble que c'est ce qu'ils disent, en tout cas, dans Terminator 3. Ouais, j'ai un doute là-dessus, mais je vais pas trop m'étendre, mais j'ai cru voir à un moment donné une référence à une date à laquelle Skynet... Oui, devient consciente, ouais. Devient consciente, donc voilà. Et ce que Skynet fait et a très bien compris, une des premières idées de Skynet, c'est réellement donc de détruire l'humanité. Elle arrive à s'emparer des réseaux mondiaux, donc d'avoir une puissance de calcul absolument illimitée, de mettre au point notamment le voyage dans le temps, ce qui lui permet d'envoyer Schwarzenegger pour aller titiller la famille Connor. Elle a très bien compris aussi comment fonctionnent les relations entre les différents pays. Et c'est assez marrant parce que c'est typique des années 80, mais elle joue un petit peu des Russes, donc en lançant toute la puissance nucléaire des États-Unis pour aller bombarder donc la Russie. Et la Russie, ben, forcément, contre-attaque et balance tout sur les États-Unis. Donc c'est un petit peu le jugement dernier. C'est le mal incarné, si vous voulez, qui a été créé par la main de l'homme et donc qui est capable d'avoir une puissance de calcul absolument phénoménale. Donc c'est vraiment pas un ordinateur à part entière, mais plus un réseau d'informatique géant qui a conscience de lui-même. Voilà. Je n'aurai qu'un mot, OCP vaincra. Bref, bon, bah merci. Ah oui, j'ai la citation complète, si vous voulez, pour... Donc l'arrivée de Skynet, hein, c'est donc le T-800, le Schwarzenegger, mm-hmm. qui nous explique voilà le programme Cyberdyne en fait. Donc dans 3 ans, Cyberdyne devient le plus important fournisseur de matériel électronique militaire. Tous les grands bombardiers sont équipés de systèmes ordinateurs Cyberdyne qui évitent la main d'œuvre humaine. Cela leur permet de voler avec une parfaite efficacité opérationnelle. Le financement de Skynet est voté. Le système se met en place le 4 août 97. Les décisions humaines sont éliminées de la défense stratégique. Skynet commence à prendre à vitesse géométrique. Je ne sais pas ce que c'est. Il devient autonome le 29 août à 2h14 du matin, heure de Greenwich. Et c'est à ce moment-là qu'il éradique l'humanité. Un peu moins de 15 jours après. C'est formidable. Eh bien écoutez, merci messieurs et pour cette précision. Prochain thème abordé, l'armement. Toujours dans la même mouvance, c'est vrai que quand dans les années 80 on regardait des films d'anticipation, on va dire, les choses qui nous faisaient rêver ou qui nous paraissaient absolument irréalistes pour l'époque et donc complètement crédibles pour le futur, il y avait justement tout l'aspect armement ou et autres. Donc façon de tuer son prochain. On va commencer par tout d'abord la technique du haut couteau. Oui. Donc la technique du haut couteau. Déjà on va s'écouter d'un petit extrait sonore de tout cela. L'héritier du haut couteau de cuisine est le seul capable de venir à bout du tyran et de détruire l'édifice sacré d'une lente de fourrure. Il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Je suis Sauzer, le roi du manteau de fourrure. Je n'accepterai jamais la défaite. Le roi du haut couteau très aiguisé a décidé de devenir le maître de toute la planète. C'est une qui prend ce couteau épluché. C'est ici et maintenant que s'achève ta route. Je serai bientôt le seul et unique détenteur du savoir au couteau à huit. Le secret de l'école au couteau rang de montagne réside dans la supériorité de l'esprit sur la matière. Je suis le roi du haut canif. Il utilise la technique planche à pain. C'est donc vrai, tu es bien un oiseau de feu de l'école Noto. Alors effectivement, comme je le disais, la première arme que nous allons évoquer, c'est la technique du haut couteau. Le corps humain. Voilà, le corps humain étant son la meilleure arme. Bien sûr, son corps est une arme. Alors, le haut couteau, donc bien sûr, vous aurez fait le lien avec la série Ken le survivant. Enfin, la série, le manga animé. Enfin, après, et la série et le film. Donc, c'est une technique... une technique d'arts martiaux, on va dire, qui consiste... Alors, il y a plusieurs écoles, c'est ça le truc. C'est que il y a le... Ah, il n'y a qu'une seule école du haut couteau, attention. Oui, mais après, il y a les écoles du Nanto. Non, il y a plusieurs haut couteaux. Il y a deux écoles. Il y a plusieurs haut couteaux, il y a trois branches de couteau. Ah, et si, monsieur, j'ai regardé. Ah, oui, pardon. Oui, tout à fait. Un couteau, il y a toujours trois branches. Ah, vous avez fini. Oh là, tu spoil la série pour les gens, c'est horrible. Voilà. Vas-y. Donc bref, oui, parce que après il y a les Taizan, les Raikan et le Gento. Voilà, bref. Exactement. Bon, tout ça pour dire que toute manière, on va pas rentrer trop dans le détail, mais moi je sais que quand je regardais ce fabuleux dessin animé, explique comment ça marche cette technique de kung-fu. C'est pas une technique de kung-fu des points vitaux. Ben oui. C'est... De quoi tu veux que j'explique? Bah oui. Bah en gros, c'est il y a des points vitaux. Voilà. Voilà, donc ça permet de, dans le corps, et ça permet de manipuler ce corps et le détruire de l'intérieur. C'est pour résumer. En gros, on touche les points vitaux, et après, il y a un certain temps qui s'écoule, entre 7 et 10 secondes, où la personne, on annonce que... tu vas mourir, et ensuite, la personne se disloque. Enfin bon, c'est... Faut l'avoir vu, quoi. Donc comme je disais, j'avais vu ce dessin animé, alors que j'avais pas du tout l'âge pour le voir. Comme plein d'enfants de l'époque dans le club Dorothée, le fameux Ken le survivant, et c'est pareil, c'est quelque chose qui m'avait profondément marqué quand j'étais enfant, parce que c'est vrai que à l'époque, nous, j'avais plein de camarades qui faisaient du judo, qui faisaient peut-être un ou deux, qui faisaient peut-être même du karaté ou je ne sais quoi. Les nuls, quoi. Et c'est vrai que je me disais, mais comment c'est possible que dans le futur on puisse arriver grâce à cette technique à faire exploser des corps, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc je sais pas, c'est un truc qui m'a vraiment d'un point de vue anticipation et futur, autant Dragon Ball et les boules de feu et les trucs, j'y croyais pas du tout, mais là je sais pas, le coup des points vitaux et autres, parce que c'est vrai que y a quand même des arts martiaux où en appuyant à un endroit on peut immobiliser ou on peut genre rendre inconscient, ou il y a mal, voilà, il y a des techniques, tu vois. Donc du coup, je me disais, mais c'est peut-être crédible cette histoire de points vitaux. Tu vois, ça venait apporter de l'eau au moulin, quoi. Bon, par contre, le coup des corps disloqués, là, pour le coup, ça devenait compliqué. Mais surtout, ça faisait peur. Mais bon, voilà, donc c'est une série que mes parents m'ont vite interdit de regarder. Mais que j'ai regardé quand même. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, je me demande jusqu'à quel point c'est repassé que très très récemment, je pense. Ça a dû être interdit pendant des années. Je pense que c'est... Enfin, à part sur les chaînes manga. Oui, voilà, c'est ça, des chaînes spécialisées. Ça passe plus du tout, hein, ça passe plus du tout. C'est vendu en DVD, mais faut vraiment s'imaginer. En fait, c'est la rencontre, Ken le survivant, entre les films de Kung Fu des années 70 et les films gore, en fait, des années 80. Et c'est vrai que c'est un mélange. Enfin, après, moi, c'est la première fois que je voyais un truc pareil, quoi. Parce que c'est vrai que sur les films de Kung Fu, ils se mettent des coups de pied, ils sont assommés ou même ils sont tués. Mais il n'y a pas ce côté très graphique de la violence où les types sont tordus dans tous les sens et explosent. Et ce qui est assez amusant, c'est que donc il y a ce haut couteau qui permet de disloquer les corps de l'intérieur, c'est-à-dire on appuie sur des points vitaux et le type explose. Et en face, il y a la branche rivale qui est le Nanto, le manteau du vison par exemple, où les types découpent les gens en face, quoi. Et il y a le fameux Ray, l'oiseau de feu, qui il passe sa main devant toi. Ah, mais lui, je le connais. Et ça te découpe en tranches. Ah, ça y est, je me souviens de lui. Il avait une barbiche. Bah oui, carrément. Il avait une barbiche. Non, non. Ah non, c'est pas lui, parce qu'il y en a un, non, il faisait comme des traits sur le corps. Il faisait comme des traits sur le corps et il découpait en lamelles. C'était oui, terrible. C'est ça, c'est lui. Il me faisait peur. C'était horrible. Et effectivement, et je me souviens qu'à l'époque, voilà, les fameux doublages dont on a écouté tout à l'heure un extrait, les doublages un peu, on va dire, humoristiques, étaient ouais. complètement sans lien avec les doublages originaux qui étaient beaucoup plus violents. Et voilà, et c'était suite justement à des réactions de Famille de France et autres, quoi. Ah, mais même oui, des doubleurs, hein. C'est les oui, voilà, et puis les doubleurs. La légende veut que ce soit les doubleurs qui disent « Attendez, non, ouais. non, c'est pas possible. » On va foutre ça à des enfants, on va faire les cons, quoi. Voilà, ouais. exactement. Pour dédramatiser un peu. Ouais, sauf que bon, qu'est-ce qui est le plus fort, le visuel je crois ou... que, je crois que dans l'histoire officielle, ils ont fait grève. Parce qu'ils ne voulaient pas la doubler et donc ils ont dit on veut bien la doubler mais à condition que qu'on réécrive nous-mêmes les dialogues et donc ça a été accepté et à partir de là ça donnait la traduction qu'on connaît quoi. Manteau de fourrure et tout le bazar. Alors on va repasser sur de l'armement plus classique avec avec un classique. Ah classique. Enfin je veux dire avec quelque chose qui a fait des acheter des néons à plein de monde pour essayer de reproduire cette arme, à Ikea. Savoir le sabre laser de Star Wars. Donc Imraj, grâce mais à ta carte de membre du club Star Wars, je te laisse en parler. Non, mais vous avez jamais vu chez Ikea, ils ont fait des néons de couleur oui. avec oui. une espèce de poignée argentée. Enfin voilà, c'est ça. Bon, laser. Bon, il y a un fil, quoi. C'est dommage. Ça casse. Bref, c'était la parenthèse pourrie. C'était l'ancienne version, tu sais. Ils le branchaient sur le secteur et puis ils se battaient avec. Bah, c'est ça. Non, mais alors attends, alors, parce que je pourrais laser. Te faire un historique du sabre laser, voilà. si tu veux. Alors. Faut savoir que les Jedi, à la base, utilisaient des vrais sabres avec des lames. Et quand ils ont compris un petit peu la technologie donc de laser, ils se trimballaient avec des grosses batteries dans le dos. voilà. Donc après, ils ont réussi à miniaturiser. Donc te moque pas, c'était vraiment le cas. Ils avaient des fils de partout. Branché sur le pacemaker à Dark Vador. Attention, j'ai plus de cristaux, je me branche direct. Bref, voilà. Donc ça, c'est plus par où commencer du coup. Le sabre laser, donc c'est couleur, tout ça. Pourquoi, comment voilà. voilà, donc c'est l'arme de prédilection des Jedi des Sith, on le sait. Donc voilà, c'est un sabre pour les incultes qui produit un laser qui a une longueur variable ouais. et qui peut découper à peu près tout depuis la chair jusqu'aux métaux les plus solides. Il y en a certains qui résistent, hein, mais oui. on va s'étendre là-dessus. Et en soi, donc voilà, il faut savoir que cette petite lame laser est rétractable, c'est-à-dire que rétractable. Donc quand on appuie sur un petit bouton, on a un bruit caractéristique et le truc rentre ou ressort. Voilà. D'après Luke Skywalker, donc il faut savoir que déjà c'est les Jedi qui construisent eux-mêmes oui. leur sabre. C'est-à-dire que dans leur pèlerinage, ils vont chercher les différents ingrédients pour fabriquer leur sabre. Ce qui leur permet de choisir plus ou moins une couleur et la taille de la lame. Et pour aller un petit peu dans le détail, c'est assez simple dans sa conception. On a une poignée, qu'on connaît tous, cellule d'alimentation, un cristal qui est nécessaire pour le fonctionnement, mais on en met généralement trois, et l'émetteur de lame et la lentille. Voilà, et donc ça fait un sabre laser qui est capable de découper à peu près tout. Ce qui est intéressant avec le sabre laser aussi, c'est que dans la mythologie étendue, on a, enfin, en tout cas avant que l'Empire éradique un petit peu tous les Jedi, la couleur était souvent associée aux usages de... Enfin, comment dire, à la particularité ah ouais. des Jedi. C'est-à-dire que, par exemple, un sabre bleu, donc c'était plutôt un Jedi qui pratiquait plutôt le combat au sabre laser et qui était moins plongé dans la maîtrise de la force. Le vert, c'était plutôt utilisé pour les Jedi consulaires, donc qui étaient plutôt dans la diplomatie, etc. Le violet, qui est un mélange de rouge, donc la couleur caractéristique des Sith, et de bleu, on était plutôt sur des Jedi qui avaient étudié toutes les facettes de la force. Donc voilà, et après, donc c'est le cristal qui donne la couleur, et il y a différentes raretés de cristaux. Et sur les derniers sabres laser qui ont été produits, on est sur des cristaux synthétiques, donc des couleurs limitées, malheureusement. D'accord. Et puis, ce qui est assez intéressant, une fonction qui est particulièrement intéressante, c'est quand même la possibilité de dévier les tirs de blaster, ce que les Jedi maîtrisent à la perfection, quoi. Voilà. Et à noter que, on associe cette arme aux Jedi parce que elle est complètement inutilisable pour le commun des mortels. Donc vraiment. Eh ben écoute, merci Imraj. Nico va nous parler d'un d'une arme. Que vous connaissez peut-être pas d'ailleurs. Ouais, pas très très connu effectivement. J'ai hâte de t'entendre sur ce dossier. Le fouet monofilament. Alors voilà. Le fouet monofilament comme ça, je sais pas si ça fait très peur, mais c'est un peu, je pense, l'arme la plus dangereuse jamais inventée. Donc on parlait des sabres laser de Star Wars qu'il fallait surtout pas donner à un non-initié parce qu'il risquait de se couper avec. Et ben là en fait c'est encore pire. C'est-à-dire que le fouet monofilament en fait c'est dans les univers cyberpunk c'est utilisé par les assassins. C'est le principe c'est un petit fil lesté qui fait une molécule d'épaisseur en fait, donc qui est tellement fin qu'il peut traverser à peu près tout. Ça fait 2,50 m de long au maximum et c'est donc extrêmement en fait on c'est un fil très fin qu'on planque dans une bague et qui permet de tu fouettes quelqu'un et il finit en tranche de salami. On peut en voir un dans un film des années 90 dont on a parlé tout à l'heure, c'est Johnny Mnemonic. Effectivement, c'est un assassin des triades qui tient ça et qui se bat contre Johnny Mnemonic, je crois, et qui finit avec l'arme retournée contre lui et qui donc est coupé en 3, 4, un peu à la Ken le survivant aussi. Et donc c'est une arme pour le corps à corps. Hein, et donc ça permet de planquer une arme sur soi de façon très facile et de tuer à peu près n'importe qui. Parce que il y a quelques œuvres de cyberpunk, principalement dans les mangas, où les types peuvent couper un tank en deux avec ce genre de... d'armes, parce que dans l'absolu, il n'y a rien qui les empêche de passer à travers n'importe quelle matière, en fait. En sachant que, techniquement, effectivement, ça peut être aussi... dans le cyberpunk, les gens ont des prothèses, et donc on peut en planquer dans un doigt mécanique. Et donc, techniquement, on peut en porter 10 dans les mains, et ça ne se voit absolument pas, parce que c'est un fil d'une molécule de large, donc ça passe à peu près dans tous les détecteurs d'armes conventionnel, on va dire. Un pistolet, ça passe pas. Un fouet monofilament, ça passe. C'est donc une arme de jeu de rôle, hein, principalement, qui est très compliquée à gérer par un maître de jeu, parce que le joueur, il a ça sur lui. On peut pas lui enlever. Et il peut tuer n'importe quel boss de fin de niveau, entre guillemets, d'un coup. Parce que les dégâts sont juste monstrueux, quoi. Voilà. Donc c'est certainement la plus mortelle jamais inventée, je pense. Dans les armes futuristes. J'espère que personne n'aura l'idée de raconter ça, parce que franchement, c'est juste horrible, quoi. C'est ce qui est sympa dans le cyberpunk, c'est ce côté un peu essayer d'optimiser à chaque fois un principe. C'est-à-dire qu'un humain de maintenant pourrait pas utiliser un fouet monofilament, mais un humain avec des réflexes améliorés, des membres mécaniques, des trucs comme ça, pourrait être capable d'utiliser ce genre d'arme. Il y a peut-être une arme qui serait supérieure en termes de coupe. Hein. Ouais. C'est la seule que je vois, c'est le Ginzu 2000. Donc c'est un couteau de cuisine. J'allais dire le fil pour couper le foie gras, mais j'hésite. Mais c'est une sorte dentaire. De fil à couper le foie gras amélioré. Hein. Juste, il est chargé électriquement et il fait une molécule de large, donc il passe à travers n'importe quel foie gras, même qui sort du frigo. Attention. C'est clair. Ah ouais. Non, c'est assez optimiste, quoi. T'avais raison. Non, mais je connaissais pas vraiment. J'avoue que dès qu'on dit fouet, moi, je vois Castlevania. Mais bon, après. Mais écoute, merci Nico. Donc, dernier thème à aborder dans ce cadeau bonus sur le futur vu par les années 80. Nous avons choisi les robots. Alors, les robots, on peut pas évoquer tout cela sans rappeler un peu les trois grandes lois de la robotique. Est-ce que vous pouvez me les citer, messieurs? Alors, la première, c'est un robot n'a pas le droit de faire du mal à un humain, même de le tuer, en fait. Imraj, une idée sur les deux autres? Donc, la deuxième, c'est qu'un robot doit obéir à tous les ordres que lui donne un être humain. Sauf si ces ordres rentrent en conflit avec la première loi. La troisième règle, c'est que un robot doit protéger son existence à tout prix, tant que sa protection n'entre pas en conflit avec les deux premières règles. Exactement. En sachant que les robots qu'on a sélectionnés, ils suivent zéro loi, hein, on est d'accord. Oui, il n'y a aucune loi. Ah, méfie-toi. Attention. Pardon. J'ai pas dit mon dernier mot. Donc, justement, toujours dans les aspects du futur qui pouvaient soit nous faire rêver, soit nous faire peur, les robots avaient quand même une place assez prépondérante, puisque là, pour le coup, sont des choses qui ont su un peu se matérialiser par la suite. Donc, le premier type de robot qu'on a choisi, il s'agit donc des robots que l'on trouve dans Blade Runner. Nico, je te laisse la parole. Alors, donc là, on parle de robots, enfin, plus de robots, c'est plutôt des êtres synthétiques. Alors, en fait, on parle des réplicants. Blade Runner, en 82, en fait, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Kalik, qui s'appelle « Les robots rêvent-ils de moutons électriques ?». Et en fait, sur ces réplicants, on est sur des robots de troisième génération, en fait. La première génération de robots était des robots, bah, comme on les connaît un peu à l'heure actuelle, pas forcément humanoïdes, mais qui étaient faits pour faire tous les travaux qui étaient trop dangereux pour les humains. Voilà, quand il y avait une centrale nucléaire à nettoyer, bah, on envoyait les robots, quoi. Exactement. Après, la deuxième génération de robots, bah, c'était des robots d'exploration spatiale, donc qui ont dû être beaucoup plus autonomisés, parce que bah, fallait les envoyer dans l'espace. Et la troisième génération de robots, donc les réplicants, en fait, sont des humanoïdes synthétiques, c'est-à-dire qu'ils ont été créés à partir de cellules humaines, et on leur a implanté une intelligence artificielle très proche de l'intelligence d'un humain, et NIR d'humain. Parce que, en fait, le truc avec les réplicants, c'est qu'ils n'ont pas conscience d'être des robots. En fait, ils pensent qu'ils sont des êtres humains normaux, sauf que on leur cache la vérité. Pourquoi ? Parce que la corporation qui les ont créés, qui s'appelle la Tyrell Corp, leur a donné une durée de vie limitée à 4 ans. Ils naissent adultes, et en fait, ils ne doivent pas s'humaniser, parce que s'ils s'humanisent, ils ont conscience de la fin de leur vie, et du coup, comme dans le film Blade Runner, en fait, ils pètent littéralement un câble. C'est-à-dire que, comme si on annonçait à quelqu'un que toute sa vie était un mensonge et qu'il allait mourir dans quelques temps, ils deviennent un psychopathe et ils commencent à tuer des gens pour se venger de cette existence qu'on leur a infligée, voire d'essayer de passer outre leur condition de durée de vie de 4 ans, en fait. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que toute l'intrigue du film Blade Runner se base autour de ça. C'est-à-dire que on a un test très élaboré pour déterminer si un individu est un réplicant ou pas. Parce que, en fait, physiologiquement, il y a quelques différences avec un humain normal, mais ça se situe au niveau de la moelle épinière. Donc, pour savoir, on est obligé de tuer la personne, en fait. Donc, les scientifiques ont développé un test qui s'appelle le test de Voight-Kampff. Alors, je te coupe, parce que ce qui est assez marrant, c'est qu'il est inspiré d'un vrai test. Oui. Vas-y, dis. Il y a un scientifique, Monsieur Turing, quelque chose. Alors, j'ai pas le détail sous les yeux, mais il a créé un test pour comprendre, en fait, pour essayer de détecter les intelligences artificielles. Détecter une intelligence artificielle, voilà. Mm-hmm. Donc, en lui posant des différentes questions qui pourraient remettre en cause, en fait, son absence d'émotion. Mm-hmm. Ouais, donc c'est exactement le même principe que dans Blade Runner. Et en fait, ce qu'il y a dans Blade Runner, c'est qu'ils ont des émotions. C'est juste qu'elles sont factices. Et c'est ça qui est très, très, très compliqué. Ce qui rend l'univers de Blade Runner vraiment intéressant, c'est que il y a vraiment une mythologie qui s'est créée, enfin, une politique qui s'est créée autour. Il y a des gens qui pensent que, on a fait des réplicants pour des usages. Il y a des robots prostitués, par exemple, des robots de compagnie pour les personnes âgées et tout ça. Et ils sont traités comme des citoyens de seconde catégorie, quoi. Ce sont des esclaves. Et donc, il y a des gens qui luttent, qui vont militer pour que cette durée de vie limitée à 4 ans soit stoppée. Parce que, ils ont des sentiments, il n'y a aucune raison de les condamner à mort, entre guillemets, aussi vite. Et c'est toute l'intrigue autour du film, en sachant que Decker, le détective qui est censé arrêter les réplicants, on a un doute, hein, à un moment donné. On se demande si lui-même n'est pas un réplicant programmé, lui-même doute de le fait qu'il soit humain. Et du coup, c'est vraiment le moment où le robot cesse d'être juste une machine, un objet, et philosophiquement, même s'il est produit par l'homme et qu'il a été créé de façon totalement synthétique, est-ce que ils n'auraient pas les mêmes droits que les humains et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment des robots très très complexes, est très bien utilisé dans le film parce qu'ils sont à la fois un questionnement sur la condition d'être humain et un ressort scénaristique totalement central au niveau du film. Soyons très honnêtes. Ouais. Soyons très honnêtes. Blade Runner a toujours été pour moi un univers très compliqué à appréhender. Et je t'avoue que ma principale connaissance de Blade Runner, alors j'ai vu une fois le film, c'est surtout le jeu vidéo qui a été fait dans les années 90 par Westwood Studio, qui du coup ne reprend pas le physique de Harrison Ford qui jouait dans le film Blade Runner, mais que j'avais adoré effectivement par toute cette interprétation des émotions des réplicants ou non réplicants et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, il faudrait que je lise le bouquin, comme souvent, ouais. C'est le livre. Alors après Blade Runner, faut savoir que c'est une interprétation de l'univers. C'est pas exactement la même chose en fait. Ouais. C'est pas la même histoire. Et comme le jeu Blade Runner, en fait, le terme Blade Runner, en fait, c'est les mercenaires qui sont censés arrêter ces déviants, ouais. Les réplicants. Ça fait référence à ce métier, en fait, de chasseur de primes. Bah écoute, merci Nico de cet éclairage pour un milieu un peu sombre sur Blade Runner. Le deuxième type de robots que nous allons évoquer sont issus de Battlestar Galactica. Alors, c'est plutôt de Galactica, déjà. Alors voilà. Oui, déjà. Parce que Battlestar, c'est 2000. Non, je suis pas d'accord. La première série s'appelait Battlestar Galactica et il y a eu Galactica 1980, qui était la deuxième série. Moi, j'ai toujours dit Galactica, donc la première série, et Galactica 80. Battlestar, ouais, c'est bon. J'ai sous les yeux le coffret intégral de la première série de 1979. Fais attention, il va vouloir t'exterminer. En forme de casque de Zylon, est écrit en gros Battlestar Galactica. Donc, nous allons parler des Cylons. Alors, Imraj, est-ce que tu peux nous parler des Cylons? Alors déjà, c'est les Cylons, hein, parce que les Cylons, c'est quand même moche. Ça fait agricole, tu veux dire? Ouais, je sais pas, ça fait VF, pardon. Enfin bref, c'est pas grave. Oui, mais on a déjà dit que les séries à l'époque, dans les années 80, on aimait bien la VF et qu'on regardait en VF, monsieur. Oui, mais les Cylons, c'est quand même pas très joli. Les Cylons, il faut savoir que, à la base, c'est pas des robots, c'est des Cylons, c'est une race reptilienne qui a développé des robots, qui les ont exterminés, et qui se sont dû. Bon, tant qu'à faire, on va reprendre leur nom et donc on va s'appeler des Cylons, nous aussi. Donc déjà, les Cylons, à la base, voilà, c'est une race reptilienne qui a créé des robots. Donc il y a quelques représentants dans la série et voilà. Et donc c'est des robots, tout ce qu'il y a de plus basique, donc c'était les projections typiques des années 80. Donc pour la plupart, c'est des robots humanoïdes. Donc, deux bras, deux jambes. Il y a différents types de modèles. On commence par le modèle 1, donc qui est l'Imperius Leader. Donc, c'est le chef des Cylons. Donc, je ne sais pas trop à quoi il ressemble. Il ressemble à une espèce de boule de suie avec deux yeux. D'accord. Et une grande cape. Il ne ressemble pas vraiment à un troupeau. Il est vraiment bizarre. Ça pourrait être une race extraterrestre. Donc, je vous invite à regarder Imperius Leader dans Google Images. Vous allez voir qu'il est assez bizarre. On a ensuite l'IL Series, donc qui sont plus ou moins des citoyens. On a les Centurions, donc il y a deux types de Centurions, je ne vais pas m'étendre. Là, on est vraiment sur ce que tu dois avoir sur ton coffret, Fred, donc les modèles militaires qui ressemblent un petit peu à des grippins. C'est comme ça qu'on les appelle. Voilà, donc c'est grosso modo le casque de Dark Vador s'il avait été imaginé... par des enfants. Le design est quand même assez particulier, quoi. Avec K2000 à la place des yeux, quoi. Ouais. C'est ça. Ah oui, ça, c'est... Donc, voilà. C'est leur fin de fabrique. Voilà, et il y a le petit son qui va avec. C'est-à-dire que quand ils sont en analyse ou quand ils marchent, etc., ils ont une espèce de bruit qui ressemble un peu à K2000 aussi. Eh oui, voilà. Donc ça, c'est dans Battlestar 80. On a aussi ce qu'ils appellent les Cylons humanoïdes. Donc, ils sont des Cylons à apparence humaine. Presque humaine, qui a très certainement donné une inspiration sur la série des années 2000. Moderne. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment des grosses bébêtes en fer qui font un bruit un petit peu caractéristique, qui sont pas très agiles, ils ont plutôt, un comportement à la Robocop, très lent et très tank. Ils sont tout chromés, mais en même temps, le design est assez sympa. Voilà. Et pour la petite info, il faut savoir que Cylon, c'était un conspirateur athénien du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc je pense que le nom n'a pas été choisi par hasard. Et tu penses qu'il faisait un duo avec Garfunkel ou pas? J'hésite encore. Garfunkel. Camembert de qualité. Bien sûr. Donc voilà. Bon, bah écoute, voilà pour les Cylons, tout ça, c'est magnifique. Alors bah j'ai un petit dernier robot. Alors là j'ai longuement hésité. Qualité. Je vais pas vous cacher que j'ai hésité entre le robot qui faisait le ménage dans Rocky. Quand il devient super riche, il y a un robot qui fait le ménage pour Polly, enfin bref, à qui il affuble une voix de femme un peu une professionnelle. Bref, j'hésite entre ce robot là, mais je me suis dit pourquoi ne pas parler du gendarme et les extraterrestres. Mais pourquoi pas ? Ben voilà. Alors, le gendarme et les extraterrestres. Donc, comme son nom l'indique, il y a des extraterrestres dedans. Ben oui, il n'y a pas de robot. C'est ces extraterrestres. Alors, justement, ces extraterrestres se matérialisent sous la forme qu'ils veulent. En fait, ils arrivent. Ils arrivent par une soucoupe volante, puisqu'à l'époque, c'était donc le réalisateur du Gendarme et les extraterrestres, c'est Jean Giraud, qui a lui-même fait la soupe aux choux 2 ans plus tard. Et c'est exactement la même soucoupe. Un grand nom de la SF française. La denrée en moins, le fameux... Enfin bref, on s'arrêtera là. Ah, et, donc aussi bien fameuses... que moi le non, mais... hasard, hein. J'ai ma carte du club soupe aux choux. Donc du coup, ces extraterrestres peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent, donc ils prennent l'apparence des gendarmes. Et pour la petite info, c'est Lambert Wilson notamment qui fait ses premiers pas au cinéma dans ce film. Je pense pas qu'il le clame au effort, puisque c'est quand même pas un des plus grands films français, c'est même le pire des gendarmes. Mais en gros, ces extraterrestres, ils boivent de l'huile. D'accord. Parce que c'est un peu des robots quand même. Bah, c'est même carrément des robots, puisque on finit par découvrir, à un moment, il y en a un qui se fait arroser. Alors, je vous dis pas les effets spéciaux, hein. Il y a du très, très gros niveau. Il y en a un qui se fait arroser et qui fait un bruit un peu de boîte de conserve, se déplace jusqu'à une plage et meurt. Et en mourant, donc, effet spécial, il y a des structures métalliques avec du plastique autour et le plastique fond. Et donc, là, Michel Galabru, donc l'adjudant Jérôme Gerbert, découvre la structure métallique du robot et que c'était bien des robots. Voilà. D'accord. Donc, et ces robots, leur but ultime, c'était d'enlever les gendarmes. Les gendarmes. Bah non, là, non, c'est pas le même épisode, ça. C'est... Et bah du coup, bien sûr, du fait qu'ils découvrent le poteau rose, après ils font la chasse aux robots extraterrestres. Et tout se finit comme dans tous les gendarmes par le défilé de la fanfare à Saint-Tropez, et ainsi de suite. D'accord. Est-ce qu'il y a une espèce de paranoïa qui s'installe entre qui est un robot, qui n'est pas un exactement. Robot dans l'équipe de ah là là. C'est exactement. Ils devraient le refaire avec une ambiance à la The Thing de Carpenter, je pense. Ouais. Puisque, Battlestar Galactica. Voilà. Voilà. Puisque l'un après l'autre, ils sont confrontés à leur double. Et bien sûr, ils en parlent aux autres gendarmes qui ne les croient pas. Enfin bon, les mécaniques habituelles dans ce genre de situation. Je vous promets, j'ai vu un extraterrestre, une soucoupe. Mais non, mais elle est où? Enfin bref, voilà. Donc tout ça pour introduire un peu une note un peu comique sur le côté robot dans un nanar. Alors pas tout à fait les années 80, puisque c'est plutôt fin 79, mais comme je vous disais, ça a été repris après la soucoupe en 82-83 pour la soupe aux choux. Donc si vous avez un gendarme à ne pas voir, c'est bien celui-là, puisque c'est ou à voir vraiment... si c'est le plus mauvais. Ouais, bah oui, ça dépend la le pire n'est jamais décevant. Oui, le pire n'est jamais décevant. Donc pour le coup, voilà. Donc j'ai un affect pour l'acteur Louis de Funès. J'adore cet acteur, mais j'avoue que dans ce film-là, il commençait à se faire très très vieux. D'ailleurs, il mourra 3 ans plus tard. Et c'est vrai que c'était plus le Louis de Funès qu'on a connu dans les années 60-70, à l'époque de la splendeur de l'Empire. Voilà. Donc non, on voit ce que je suppose que aucun d'entre vous n'a vu le gendarme et les extraterrestres. Mais tu m'as donné envie de le voir, et aussi bizarre. Je crois, de toute façon, il est rediffusé soit l'été, au moment de Noël. Le prochain qui passe, tu nous le mets dans le télé-80s. Eh oui, mais non, mais le problème, comme je t'ai expliqué, c'est que c'est 79, donc on est limite. Bref. Allez, exceptionnellement. Ah, on verra. Bref, donc, bah écoutez, voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de ces quatre grands thèmes. Donc, bien évidemment, nous en avons oublié. On compte sur vous pour nous faire vos retours sur Facebook, sur le post de blog et dans les forums pour, pourquoi pas un numéro 2 sur d'autres thèmes sur le futur vu par le spectre des années 80. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à très bientôt pour un nouveau cadeau bonus ou un nouveau podcast d'80s le podcast. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut Nico, salut Imraj. Ciao. Salut Sirf, salut Imraj. Ciao. Et à très vite. Fred. Allez, salut. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao. Mais Imraj, mais tu me régales. Il est magnifique. Oh, ça se mettra en fin de. On la refait après, pas Oh, bon, non, on la refait. Ouais, si, on la refait. Bon, allez, on est reparti.